l'interface des sciences de l'homme et de la vie, Carbone 14 se penche aujourd'hui sur les interactions naturelles et culturelles entre l'homme et les populations animales. Proche de la zoologie, la paléontologie, voire la médecine vétérinaire, l'archéozoologie, par essence interdisciplinaire, s'est largement développée en France depuis quelques décennies grâce à un laboratoire pionnier œuvrant au cœur du Muséum national d'histoire naturelle. Cette dimension socio-anthropologique, qui constitue désormais le point fort de la discipline, est née quant à elle sous l'impulsion de quelques chercheurs, dont mon invité. Archéologue et biologiste, directeur de recherche au CNRS, celui-ci a bien entendu dirigé le laboratoire CNRS et Muséum, archéozoologie et archéobotanique, société, pratique et environnement. Désormais émérite, il est actuellement chargé de mission au Muséum pour la coordination du pôle national des données de biodiversité. Jean-Denis Vigne, bonjour. Bonjour. Dans votre parcours, j'ai surtout souvenir de vos fouilles en Corse, Tunisie, Chypre et notamment à Climonas. Nous en reparlerons. Pour moi, une des plus belles interactions homme-animal est née d'une lecture, celle d'Evliya Çelebi, voyageur ottoman du XVIIe siècle, qui décrit dans les pas de Galien un poisson terrible dont le venin entraîne de puissants tremblements aux hommes. Le poisson torpille est la découverte de l'électricité bien avant l'heure. Poisson qui d'ailleurs était utilisé contre les migraines, voire l'épilepsie. Jean-Denis Vigne, de fait, votre métier, c'est aussi de retrouver d'étonnantes histoires, naturelles ou pas ? Oui, bien sûr, notre métier, c'est de reconstituer des histoires naturelles, en contribuant ainsi finalement à une synthèse zoologique, pour employer un terme qui peut paraître suranné, mais qui a encore toute sa valeur. Mais c'est aussi parler des sociétés humaines à travers leurs interactions avec le monde animal. Et je dirais même, au-delà de ça, c'est pas simplement une histoire culturelle juxtaposée à une histoire naturelle, mais c'est une histoire englobante. C'est une seule histoire, c'est celle de nous en tant qu'animaux, vivant avec des animaux et interagissant avec eux. Et c'est l'histoire aussi de l'archéologie qui nous aide à reconstituer ce fil. Alors, votre laboratoire est rue Buffon, on pouvait tomber mieux, bien sûr. Oui, ça. Et puis, j'y ai traîné mes guêtres pendant des années et j'y vais encore. J'y ai bien sûr croisé un personnage haut en couleur, un pionnier, votre prédécesseur, François Popelin. Oui, bien sûr, François Popelin a insufflé cet esprit qui, avant l'heure, abolissait les cloisons entre le culturel et le naturel, puisqu'on est parti de là. François Popelin, il faisait une histoire unique de l'homme et des animaux. D'ailleurs, on a intitulé notre association fondée au début des années 80 « L'homme et l'animal ». C'est des termes qu'on n'emploierait peut-être plus de la même manière aujourd'hui, mais c'était bien ça l'histoire. C'était l'homme et l'animal. L'animal en l'homme, pour reprendre des termes qui font hommage à François Popelin. L'animal en l'homme, l'animal pour l'homme, puisqu'effectivement, il y a une position dans l'écosystème mondial de l'humanité qu'on peut pas nier. Et puis, l'animal avec l'homme depuis la nuit des temps. Tout ça est dans les pas d'André Laurent Gourand. Bien sûr, on est dans une mouvance qui est celle de l'ébullition intellectuelle de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est-à-dire que nous, on n'a fait que traduire finalement cette émulation, cette création finalement d'un nouveau cadre intellectuel. On l'a traduit, on l'a appliqué à notre matière qui est finalement les restes archéologiques, les restes d'animaux issus des fouilles archéologiques. Mais d'une certaine manière, François Popelin a ajouté quand même un chapitre réel à cette histoire en allant beaucoup plus loin que ce que André Laurent Gourand avait pu faire, à mon sens, parce qu'il a fait la synthèse d'un certain nombre d'autres auteurs et il est allé dans le fond de cet aller-retour permanent entre l'animal et l'homme, l'animal et les humains, nous dirions aujourd'hui, qui a, avant l'heure, je dirais presque avant Philippe Descola, qui a, comme je le disais à l'instant, aboli ces frontières entre nature et culture. Voilà. En fait, des histoires où nature et culture se marient ? Oui, tout à fait. Des histoires où nature et culture ne font qu'un, finalement. Puisque, en fait, plus on avance dans la connaissance des comportements animaux, du ressenti des animaux, de leur capacité à développer des cultures, de leur capacité à croiser ces cultures avec les cultures humaines, puisqu'en fait, bon, on en reparlera, je pense, mais la domestication, c'est ça, hein, c'est une culture commune qui se développe entre un groupe humain et un certain nombre d'animaux. Donc tout ça, c'est beaucoup plus qu'un croisement, c'est une synthèse. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'une santé unique, mais d'une certaine manière, on parle d'une histoire unique entre les humains et les non-humains. Dans votre laboratoire, Jordan Vigne, nombre de chercheurs ont travaillé sur des animaux. Le rat noir, Rattus rattus, la souris, Mus musculus, le lapin, Oryctolagus cuniculus. Celui-ci me plaît bien, car il serait le seul animal domestiqué en Europe de l'Ouest. Oui, mais c'est pas sa seule qualité. Il a une autre qualité très intéressante, c'est qu'en fait, il s'agit d'une domestication très récente, pour laquelle on a des témoignages archéologiques, mais aussi des témoignages littéraire, hein, puisqu'on a des textes et puis on a aussi des structures archéologiques, hein, ces fameuses mottes à conies, hein, qu'on installait au XIIe, XIIIe siècle près des demeures seigneuriales, où finalement on mettait des lapins qu'on avait fait venir du sud, hors de l'horaire de répartition naturelle. Oui, parce qu'il est parti au sud de la France et à l'Espagne. Voilà, c'est ça. Le lapin, c'est un animal très casanier. Finalement, pendant des millénaires, il est resté confiné au sud de la Loire et à l'ouest du Rhône, hein, si on peut définir le secteur. Et on le voit apparaître en dehors de ces limites-là, justement dans ces fameuses mottes à conies, où on a déplacé des lapins pour en faire une chasse d'agrément, hein, bien sûr, et puis ils s'en sont échappés, ils ont fait ce qu'on appelle des populations de lapins de garenne, hein. Et puis à partir de là, il y a un mouvement de domestication qui ne nie pas la nature sauvage de l'animal, mais qui détache finalement une lignée de lapins qu'on appelle de clapiers, hein, de cages finalement, puisque clapier, ça vient des pierres qu'on utilisait pour faire des tunnels dans ces mottes à conies, de façon à ce que les lapins ne s'en échappent pas quand ces dames, puisque c'était une chasse principalement féminine, lâchaient le furet à une entrée pour récupérer le lapin à la sortie. Et durant le Moyen-Âge, donc, ces lapins sont diffusés jusqu'à l'Angleterre, et notamment par la noblesse et l'Église. Tout à fait. L'Église, les curés mangeant des fœtus de lapin le vendredi, les loris, tout à fait. Oui, à tel point qu'il y a eu une intervention papale, hein, pour interdire la consommation des fœtus de lapin. Bon, on n'a pas besoin d'expliquer où sont les symboles, hein, dans cette histoire-là. Mais c'est effectivement une histoire tout à fait passionnante. Mais pour revenir à cette histoire de la domestication du lapin, c'est non seulement le seul animal domestiqué en Europe occidentale, mais c'est aussi un exemple unique de domestication à partir d'une action de chasse structurée, d'appropriation pour la chasse qui finalement déclenche une appropriation pour l'élevage. Et ça, pour la préhistoire, c'est extrêmement informatif, peut-être pour des processus qu'on perçoit mal, mais qui sont beaucoup plus anciens, de domestication d'animaux de chasse. Je crois qu'on en reparlera éventuellement pour Chypre. Parmi vos recherches, vous avez démontré par exemple que le mouflon de Corse ne fut pas toujours corse. Oui, tout à fait. Alors, revenons quand même à François Poplin, parce que c'est lui qui l'a démontré. Moi, j'ai fait ma thèse sur la Corse grâce à François Poplin, qui m'a dit « il y a un truc intéressant à aller voir là-bas ». Et donc, j'ai étayé cette hypothèse qu'il avait émise sur des bases déjà très solides, hein, à savoir que le mouflon de Corse est un mouton néolithique, introduit il y a 7000 ans en Corse, à partir du pourtour méditerranéen, dont certains individus se sont ensauvagés, et on fournit des lignées de moutons néolithiques ensauvagés, qui sont les mouflons. Et alors, ce qui est très amusant, et je me plais à le répéter, c'est que quand on regarde un mouflon de Corse, à peu de choses près, on a l'image vivante d'un mouton du début du néolithique de Méditerranée nord-occidentale. Mouton qui vient bien sûr du Proche-Orient. Alors, bien sûr, les lignées, c'était presque un stade terminal, hein, de moutons domestiques, ce mouton qui est arrivé en Méditerranée nord-occidentale, puisque les premières domestications au Proche-Orient, en Anatolie et au Nord-Levant, là, ce sont des domestications qui datent de 8500 avant Jésus-Christ. Jordan Vigne, l'heure est à la transformation des milieux comme à l'érosion de la biodiversité. J'imagine que votre laboratoire est en alerte. Bien sûr. Ben, on fait partie de ce vaste mouvement de prise de conscience et finalement d'accompagnement scientifique d'une évolution de société qui est inéluctable. D'une part parce que nos concitoyens, étant pour la plupart maintenant citadins, perdent finalement les repères et ont besoin de se situer par rapport à une longue histoire, par rapport à l'histoire du monde animal, se situer par rapport à tout un tas de problèmes de société qui sont l'alimentation. Qu'est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on mange de la viande? Est-ce qu'on mange pas de la viande? Comment élève-t-on? Dans quelles conditions doit-on, jusqu'à quel point doit-on intégrer les connaissances nouvelles qui sous-tendent cette perception du bien-être animal? Et puis des questions qui sont très liées à l'évolution du climat, à l'évolution de la biodiversité, avec tous ces travaux que nous avons pu mener et que nous continuons à mener sur les espèces invasives, hein, l'histoire des espèces invasives, qui est une histoire qui débute, on a cité tout à l'heure le rat et la souris, hein, qui débute il y a plusieurs milliers d'années et qui évidemment a pris une ampleur depuis l'ère industrielle sans commune mesure avec ce qui se passait auparavant. Ce dont vous me parliez, c'est la place et le statut actuel de l'animal dont il est question. Oui, c'est pas uniquement ça, mais effectivement c'est la place et le statut de l'animal. Alors en droit, hein, parce qu'évidemment la prise de conscience de l'existence d'une souffrance animale, maintenant bien démontrée par nos collègues neurologues, la prise de conscience d'une souffrance morale chez l'animal nous amène à raisonner un peu différemment et à quitter ces acquis des derniers encyclopédistes dont Buffon était d'une certaine manière, savoir que l'animal était un peu une machine. Et donc ça, c'est un point de vue que nous avons quitté et qui finalement, ce changement de mentalité a rejailli sur nos recherches parce que l'idée qu'on avait de la domestication, qui était un asservissement avec une décision unilatérale des humains vis-à-vis des animaux, cette idée-là a beaucoup changé parce qu'on a révisé un certain nombre de données archéologiques et on s'est rendu compte que même si cet asservissement existe et qu'il faut pas non plus tout idéaliser, hein, mais les débuts de la domestication, c'est pas ça en fait qui s'est passé. C'est vraiment un lien profond entre des espèces différentes dont l'une est humaine. On va y revenir. Jean-Denis Living, les îles constituent des terrains très privilégiés pour les archéozoologues et bien sûr pour les archéologues. On se souvient de ces étonnants animaux nains, l'hippopotame de Chypre, le mammouth de Wrangell, mais il existe parfois des phénomènes inverses avec des animaux géants. Oui, alors, bon, classiquement, on considère que les animaux de grande taille sur les îles diminuent de taille, ce qui est la plupart du temps vrai. Donc on a ces éléphants nains, ces hippopotames nains. Alors que, en miroir, les animaux de petite taille, les rongeurs notamment, les insectivores, ont tendance à augmenter. Alors, deviennent-ils géants? Oui, les paléontologues nous apportent des illustrations tout à fait étonnantes, avec des rats qui font 70 cm de long dans le Gargalo ou dans les périodes très anciennes, il y a 5-6 millions d'années en Sardaigne. Mais nous, ce qu'on voit à l'échelle des périodes plus récentes, ce sont des mulots de grande taille, disons, des mulots qui ont la taille d'un rat. Bon, c'est pas extrêmement. C'est le mulot géant de Corse, par exemple. Voilà, c'est ça, c'est le mulot. Alors géant, c'est un peu exagéré, mais c'est le grand mulot de Corse dont on connaît bien l'histoire paléontologique et qui a survécu jusqu'à une période relativement récente, jusqu'aux périodes historiques où on le voit côtoyer les rats noirs qui ont été introduits à partir de navigation. La fin de l'Antiquité dans toute la Méditerranée occidentale. Et qui ont fourni un substrat pour le développement, un des substrats du développement des pestes. La domestication est bien entendu l'objet central de vos recherches, mais n'oublions pas le commensalisme. Ainsi, le chat, celui-là même que vous avez étudié sur le site de Chiroulocambos, à Chypre, vieux de 9500 ans, serait plus commensal que domestique. D'ailleurs, on dit souvent que c'est le chat qui a domestiqué l'homme et non l'inverse. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais c'est dit d'une manière un peu provocatrice. C'est surtout un basculement de perspective. En fait, ce qu'on a compris, grâce aux travaux de Thomas Cookie notamment, hein, ce qu'on a compris depuis quelques années, c'est que la sédentarité de groupes humains comme les Natoufiens au Proche-Orient avait généré les premiers hameaux, donc les premiers environnements empreints de culture humaine, et que cette génération de nouveaux écosystèmes avait attiré des souris bien avant le néolithique, 2000 ans, voire 3000 ans avant qu'on commence à cultiver. Alors cette sédentarité, elle s'accompagne de mise en réserve de culture, de déchets de la cueillette, de déchets de l'activité humaine, et c'est ça qui justifie l'arrivée de ces souris dans les villages. Donc là, on est véritablement sur la génération d'un nouvel écosystème qui entraîne un commensalisme nouveau avec une espèce de souris, une parmi les deux qui existe au Proche-Orient. Mus musculus ? C'est la mus musculus, oui, qui va être tantôt domesticus, tantôt musculus. Mais voilà, c'est celle-ci qui va rentrer dans les villages, l'autre étant beaucoup moins commensale. Et bien évidemment, ce qu'on fait rentrer dans les villages, c'est les souris, mais c'est aussi tout le cortège de leurs prédateurs, puisque les souris, c'est pratiquement du fourrage animal. Hein. Il y a tout un tas de prédateurs, pour ne citer que ceux qu'on connaît bien, les chats, les renards, les belettes, etc., etc. Et en particulier au Proche-Orient, chats et renards vont suivre dans les villages. Et c'est surtout les chats qui sont d'extraordinaires prédateurs de souris qui vont se commensaliser en même temps que la souris. C'est-à-dire qu'il y a, une espèce de ménage à trois qu'on appelle une communauté hybride avec humains, souris et chats qui vont finalement former un trio à l'intérieur des villages, les uns luttant contre les autres, les uns servant les autres, avec au départ cette idée de commensalisme. Et évidemment, le service rendu par les chats, bien malgré eux, puisque finalement ils n'étaient pas venus pour ça, ils étaient juste venus pour parce qu'il y avait beaucoup de souris, le service rendu par les chats a pu être, alors là c'est un peu de la petite histoire, hein, on ne sait pas, mais a sans doute été remarqué par les humains qui ont pu favoriser sa présence dans les villages, et de là est née une histoire qui s'est imprimée à Chypre en particulier parce que c'est une île justement. Et justement, ce chat dont j'évoquais, il a été inhumé avec un humain. Ça pose donc du coup le statut de l'animal au sein de la communauté des hommes. Alors, oui. C'est le cas aussi pour les chiens, d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, là encore, il faut revenir sur l'histoire telle qu'elle se dévoile, je dirais pas chaque année un peu plus, mais telle qu'elle s'est dévoilée durant ces 10 à 15 dernières années, avec de nouvelles découvertes un peu plus anciennes. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un premier stade où les navigateurs, on va dire comme ça, ont introduit des chats sur l'île de Chypre où ils n'avaient pas d'ancêtres sauvages. Ces chats, ils ont été introduits et apparemment, ils avaient un statut commensal. Ils ont été introduits très probablement pour lutter contre les souris qu'on avait aussi introduits, volontairement ou pas, on le sait pas. Et donc cet écosystème commensal est finalement migré jusqu'à l'île de Chypre. Et ça se situe aux alentours de 8800, 9000 avant Jésus-Christ. Et puis le chat dont on parlait à l'instant, celui qui est dans la sépulture, il est beaucoup plus récent, 2000 ans, beaucoup plus récent. Et alors là, ce chat-là, on l'a d'entrée qualifié de chat apprivoisé, et puis on a repris le matériel assez récemment avec des méthodes de morphométrie géométrique, et on s'est rendu compte que l'individu chat qui était enterré avec cet humain, donc il y avait une proximité au moins dans la mise en scène funéraire, eh bien il y avait autre chose que ça, puisqu'en fait ce chat qui a été probablement sacrifié à l'âge de 8 mois avait été particulièrement bien nourri, bien mieux nourri que les autres chats qu'on trouve dans les dépotoirs du fameux site de Chylorocambos. Donc il y a eu probablement pendant ces 2000 ans à Chypre d'abord une phase commensale où peut-être il n'y avait pas de relation affective particulière entre homme et chat, et finalement une évolution dont on a seulement quelques petites fenêtres sur ces 2000 ans qui aboutit à cette sépulture tout à fait remarquable. Et bien sûr, c'est une sépulture qui ressemble beaucoup à celle qu'on trouve au Sud-Levant, en particulier dans le Natufien, où on a enterré des chiens avec les humains, des chiots avec les humains. Et toujours des animaux domestiques. Alors voilà. Provençaux, donc proche de l'homme. Oui, oui, oui. Alors, bon, c'est un raisonnement qui se mord un peu la queue quand même. Parce que nous, on a tendance à dire, bah, écoutez, il y a une relation particulière entre l'animal et l'homme qui est figurée par cette mise en scène sépulcrale. Est-ce que cette mise en scène sépulcrale traduit une réalité de la vie de tous les jours ou bien est-ce que c'est juste une vue de l'esprit? Mais en tout cas, l'animal est entré, pour reprendre encore un terme de François Poplin, est entré en familiarité avec l'homme à partir de ce moment-là. Et alors, si en plus on a des traces qui montrent qu'il a été mieux nourri, etc., on dit, bon, bah, ça y est, on est parti dans une trajectoire de domestication qui n'est pas une trajectoire irréversible. Hein, on peut revenir en arrière. On en a la preuve en Chine, puisque j'ai aussi étudié la domestication du chat, d'un autre chat en Chine, où on montre que, bah, il n'y a pas de suite, quoi. Ça marche pendant 1000, 2000, 3000 ans, et puis. Le chat de Birmanie. C'est ça? Ah, non, du Bengale. Du Bengale. Du Bengale. Voilà, c'est le chat du Bengale. Oui, oui, tout à fait. C'est une espèce cousine du chat ganté qui est à l'origine du chat domestique. Et donc, qui a été domestiqué en Chine entre, bon, on n'a pas beaucoup d'éléments, mais disons 4e millénaire. Mais dans les mêmes conditions, c'est pas des souris qui sont rentrées dans les villages. Ce sont des rats qui ont été attirés par les déchets de l'agriculture naissante, riz et millet, là, c'est pas les blés du Proche-Orient. Et donc, on retrouve exactement la même histoire, et on retrouve encore la même histoire, pratiquement en même temps, dans la vallée du Nil, où il y a un troisième foyer de domestication, probablement indépendant de celui du Proche-Orient, qui a donné ces figurations qu'on a trouvées à Chypre. Jean-Denis Vigne, la conquête des îles est un des grands sujets de votre recherche. Vous êtes donc penché sur l'histoire de l'anthropisation des îles et des îlots de Méditerranée. Klimonas est le plus ancien village insulaire de Méditerranée, occupé il y a 10 800 ans. Qui sont ses occupants ? Alors, ces occupants, ce sont, ça paraît banal, mais ce sont des Chypriotes. Bon, ça paraît idiot de dire ça, mais c'est une des grandes questions qu'on se posait depuis longtemps. Est-ce que les traces d'anthropisation qu'on observe à Chypre sont le résultat d'incursions ponctuelles ou plus régulières, ou est-ce qu'il y a des populations qui se sont vraiment implantées et qui ont suivi une trajectoire évolutive parallèle à celle du continent? On est à 80 km de mer, donc, du continent, hein, c'est ça? Alors voilà, alors d'abord, il faut bien être conscient que l'île de Chypre n'a jamais été rattachée au continent, qu'il y a 70... Une île vraie. C'est une île vraie, il y en a d'autres en Méditerranée, mais celle-là, elle est particulièrement vraie parce qu'elle a vraiment surgi du fond des océans, c'est même deux îles au départ qui ont été réunies. Et donc, 70 km de mer à traverser. Bon, quand on est sur les monts du Taurus, on voit l'île de Chypre, donc on se dit, bon, ouais, c'est pas grand-chose, quoi. Mais quand on est au bord de mer ou quand on prend une barque et on ne voit ni plus la côte dont on est parti, ni la côte où on va arriver, c'est pas si simple à traverser. Bon, évidemment, faut pas prendre nos ancêtres de l'épipaléolithique pour des incapables, hein. C'est évident qu'ils avaient des compétences de navigation, des compétences de construction navale que nous effleurons très mal en archéologie, mais c'était quand même pas une petite balade. Et ce qu'on observe sur l'île de Chypre, à savoir de plus en plus maintenant des peuplements continus depuis l'épipaléolithique, même si on a des grands trous, c'est clair, c'est le problème des îles, c'est que c'est jamais très très grand, donc on n'a pas beaucoup de sites archéologiques, donc on a des grands trous de connaissances. Et même si on a ces trous de connaissances, ces groupes humains ont vécu non sans avoir des relations avec les groupes du continent, sur cette île, en continu, depuis bien avant Klimonas, même sans doute. En tout cas, Klimonas, c'est donc une population néolithique qui s'apparente à ce que l'on appelle le PPNA et qui est bien connu sur le continent, au Proche-Orient. Hein. Ce sont donc, bien sûr, des cultivateurs. Oui, alors ces PPNA, ils sont merveilleux parce que ce sont des sédentaires comme leurs ancêtres natoufiens, même si la situation est un peu plus compliquée parce que c'est des sociétés dans lesquelles il y a des gens mobiles, évidemment, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Ce qui est important, c'est de remarquer qu'il y a une grande rupture qui se fait au milieu du 9e millénaire et que cette rupture, elle est marquée principalement par la naissance de l'agriculture, qui est une culture de plantes sauvages au départ. Elle est marquée aussi par un degré de sédentarité plus fort ou d'agrégation des groupes humains plus fort qui est à l'origine de la naissance de villages, c'est-à-dire non pas de hameaux, mais d'agglomérations de bâtis organisées autour de bâtiments communautaires. Et ça, cette notion de bâtiment communautaire, pour moi, elle est essentielle parce qu'elle témoigne d'une structuration sociale qui est peut-être pas nouvelle, mais qui s'est accélérée et intensifiée considérablement. Et bien sûr, il y a les souris et le chat. Et oui. Le sanglier, lui, chassé à l'automne, quand il est d'ailleurs spécialement gras. Et cet animal serait réellement endémique ou lui aussi venu du continent ? Alors, c'est une histoire longue, mais je vais essayer de faire court. Là encore, grâce aux travaux de Thomas Cookie et puis des travaux qu'on a fait ensemble, on a pu montrer déjà dès 2009 que des sangliers avaient été introduits par des chasseurs-cueilleurs sur l'île de Chypre, puis relâchés, et qu'ils ont servi de gibier, comme c'était le cas sur le continent aussi, pendant toute la fin du Paléolithique, durant ce millénaire de naissance du PPNA, du premier néolithique proche-oriental. Et donc, finalement, ces pré-céramiques avaient peuplé l'île de Chypre en gibier. Et sur le continent, on a quelques éléments qui montrent que ces sangliers se sont approchés des villages, un petit peu comme les souris, parce que les sangliers, ils sont un peu comme en saut, ils sont attirés par les déchets de l'agriculture. Pourquoi pas à Chypre aussi? Ça, on n'a pas de preuves, mais pourquoi pas? Et ce qui est très intéressant, et ce qu'on a pu montrer tout récemment, c'est que ce sont ces sangliers introduits à Chypre, réensauvagés, qui, 2 millénaires ou 3 millénaires plus tard, ont été domestiqués à Chypre pour donner les premiers cochons chypriotes. en parallèle à ce qui se passait sur le continent. Les plus vieux cochons domestiqués, c'est la Turquie, vers plus de 10 000, non ? Oui, c'est ça. Alors, 10 000 avant l'actuel, hein, donc aux environs de 8 500, ce sont effectivement... Alors, c'est une domestication qui, dans certains sites, apparaît très longue, qui s'échelonne sur un millénaire, parfois. Alors, votre cochon et votre sanglier de Chypre, eux aussi, ils vont être touchés par cette diminution de taille ? Alors, oui, tout à fait. Dès qu'ils apparaissent à Chypre, on observe ce qu'on appelle les syndromes d'insularité. Alors c'est pas tellement une diminution de taille. Oui, il y a une diminution de taille, mais c'est surtout une réduction des os, des extrémités des membres qui témoigne d'une réduction de la mobilité. Il n'y a pas de prédateurs, donc les individus qui sont un petit peu bizarres, qui courent mal, etc., finalement, ils ne sont pas contre-sélectionnés, comme c'est le cas sur le continent. Donc il y a une réduction de et on le voit très bien sur nos données d'ossements archéologiques, une réduction de ces os d'extrémité, donc un syndrome d'insularité, qui va se stabiliser assez rapidement sur un millénaire. Et puis ensuite, on a des syndromes de domestication qui vont apparaître. Et ça c'est quelque chose de formidable. C'est que Thomas Cookie a développé des procédures expérimentales qui nous permettent, à nous archéologues maintenant, de reconnaître des os de sangliers qui ont été élevés dans des espaces confinés, avec une mobilité réduite, par rapport à des os de sangliers qui galopent dans le paysage. Et à Chypre, alors au 8e millénaire, eh bien, on a ces syndromes qui apparaissent et qui témoignent que c'est bien ce sanglier-là qui a été domestiqué. Et c'est une nouvelle espèce, donc l'espèce Suscropha circeus. Le sanglier aurait aussi une place à part, puisqu'il est l'objet de pratiques symboliques. Et ça, c'est très intéressant, par rapport au lien avec le continent. Oui, tout à fait. Alors, c'est assez intéressant, mais c'est pour ça que les îles sont si intéressantes. C'est que sur ces îles, on a des univers, des bestiaires, hein, c'est-à-dire des univers... animaux qui sont différents de ceux du continent. En particulier, il y a des manques. Sur le continent, les animaux fréquemment représentés, ce sont les aurochs qui jouent une place considérable dans l'univers symbolique. Il n'y a pas d'aurochs à Chypre. En revanche, il y a les sangliers. Et alors, on se rend compte que les marques d'utilisation symbolique de ces sangliers dans le site de Klimonas rappellent des marques d'utilisation symbolique de l'auroch dans les grands sites du PPNA et du PPNB du continent. À tel point qu'on peut se demander, c'est une hypothèse que j'ai développée, mais qui demande à être précisée, à tel point qu'on peut se demander s'il n'y a pas un remplacement symbolique, finalement, de l'auroch manquant à Chypre, par le sanglier, qui est finalement l'espèce la plus marquante, et c'est le seul grand gibier, hein, au fond. Le seul fauve, oui. Jean-Denis Vigne, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc je rappelle le titre de la parution d'un gros ouvrage, Klimonas, un village néolithique pré-céramique ancien à Chypre, édité par CNRS Éditions, livre que vous avez dirigé avec François Briois et Jean Guilaine. Carbone 14 était réalisé par Félicie Faugère, à la technique Jean-Guilain Meige, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.